OK, le sujet de la soirée, les origines de l'inertie. L'inertie, on a déjà parlé dans un CD qui s'appelait « Briser l'inertie ». À ce moment-là, c'était l'aspect actif de comment justement se débarrasser de l'inertie. Les amateurs d'astrologie, ben c'est lié à Saturne. C'est lié à la planète qui travaille ou qui compose avec le temps. C'est sûr que si vous êtes exposé un jour dans votre vie à être obligé d'attendre, le seul fait d'attendre, ça vous place en situation d'inertie. Mais il y a deux façons de le voir, de le vivre. Il y a ou bien tu composes avec l'inertie en tenant compte du fait que tu comprends pourquoi ça existe et l'avantage que tu y tires. Parce qu'une situation d'inertie, mettons que tu es entouré, tu es dans une condition de guerre et puis tu es un fugitif. Des fois, il vaut mieux pas respirer. Vous êtes attaqué par un ours, vous faites le mort, vous avez avantage à être très, très, très inerte pour que l'ours s'en aille. Donc, pas bouger, être limité dans ses mouvements, c'est pas nécessairement un obstacle, ça peut être un avantage. Donc, il faut le regarder de deux façons, l'inertie. L'inertie, elle a un avantage de ne pas vous faire bouger dans une situation de crise extrêmement aiguë. Elle a aussi la possibilité de vous empêcher de bouger trop vite dans certaines situations qui pourraient enclencher une crise. Et dans l'aspect négatif, évidemment, elle peut vous exposer à une situation de retenue qui vous fait manquer des opportunités, qui vous fait manquer des occasions justement de régler des crises. Puis c'est là que l'individu a besoin, dans un sens, d'une certaine lumière dans son mental pour savoir vraiment avec quoi il compose quand il y a une situation d'inertie qui se place dans sa vie. C'est-tu un avantage dans sa vie? C'est-tu un désavantage dans sa vie? C'est-tu un désavantage momentané pour être un avantage éventuel? C'est tous ces éléments-là qui sont complexes qu'on va étudier ce soir. Premièrement, étant donné que ce n'est pas nous autres qui pensent, et donc conséquemment qu'on est sous l'effet d'une programmation, donc d'une destinée, nous autres, petits égaux qui pensent ce qu'on pense, donc qui vit l'impression d'avoir des choix ou un certain contrôle sur la vie, bien là, à ce moment-là, quand vous êtes exposé à une situation d'inertie, c'est à ce moment-là que vous sentez le plus le destin. C'est là que vous sentez le plus que vous n'avez pas le contrôle égoïquement sur les événements de la vie. C'est fréquent que les forces de vie vous exposent à des conditions d'inertie pour vous faire comprendre ça. Ils peuvent vous placer dans un momentum d'arrêt pour vous faire comprendre que ce n'est pas vous autres qui pensent, que ce n'est pas vous autres qui décidez, puis que les obstacles qui sont placés dans la vie sont plus grands que votre volonté ou l'impression égoïque d'avoir un contrôle sur un événement quelconque. Donc, pour l'ego qui est toujours en train de calculer et mesurer, il y a la mesure de l'obstacle dans une situation d'inertie. Les têtes de cochon dans la vie, parce que tout le monde a un petit peu une tête de cochon dans quelque chose, on a tout un petit grain de délinquance sur certains secteurs, ben les têtes de cochon ont la capacité de saisir très, très, très précisément qu'est-ce qui est le limite dans une situation d'inertie. Et la mesure de l'obstacle, pour ceux qui sont astrologues, ben ils vont vivre l'affaire de Saturne, comment ça compose Saturne dans le cœur du ciel. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'astrologie, bien, l'obstacle est à la mesure de leur limitation psychologique, donc de qu'est-ce qui est incapable d'être solutionné par l'intellect. L'intellect, aussi habile soit-il, aussi capable de s'informer soit-il dans un environnement Internet, les amis, les bibliothèques ou n'importe quoi qui peut donner de l'information, l'intellect a à un certain moment donné une limite à pouvoir engager des décisions. Et quand on est placé en situation d'inertie, on a la mesure de notre intellect. On a la mesure de l'intellect de notre environnement. On a la mesure de tout ce qui a raison, qui ne peut pas déplacer la montagne qui nous empêche d'avancer. Et ça, c'est sûr que c'est frustrant, j'entends déjà les pensées dire « Ouais, mais tu sais, si on est capable d'attendre, on va changer ça. » C'est vrai que si vous êtes capable d'attendre, il va se créer d'autres conditions, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les forces vont vous avoir donné la mesure de qu'est-ce qu'eux autres ont le contrôle, de qu'est-ce qu'ils sont capables d'empêcher. Tu sais, un gars, il dit « Moi, là, pas de problème, je m'en vais en moto, quand il pleut, me dérange pas, pop, pop, pop, pop. OK, c'est vrai, quand il pleut, tu peux effectivement faire la moto, c'était bien habillé. Mais avec des vents de 90 000 à l'heure, plus la pluie, tu vois rien en avant. T'as-tu vraiment le goût de faire le smart? Non. Fait que c'est comme, à un certain moment donné, la nature, parce que là, la nature, c'est les forces aussi, hein, la nature te démontre que, bon, là, à soir, tu vas rester chez vous. Tempête de neige, le verglas, les conditions. Tu sais, c'est toujours des défis à votre intellect, à votre habileté, à votre talent, à vos ressources vitales. Et à un certain moment donné, l'obstacle, c'est l'obstacle. Donc, un des éléments qui, comment je dirais ça, permet de situer où est-ce que l'inertie s'installe, donc la mesure de l'obstacle, c'est votre intellect. Qu'est-ce que vous avez comme talent, comme habilité, qui peut être éventuellement limité par des forces supérieures aux vôtres? Ça, c'est un bon point dans votre vie pour situer où est-ce que l'inertie se place. C'est où est-ce que vous allez finir par avoir peur? Où est-ce que vous allez finir par avoir une résistance qui est au-delà de ce que vous voulez dans le sens du « je » qui veut quelque chose? Si vous n'êtes pas dans le « je » et que vous avez la chance merveilleuse d'être sur le bord de la fusion, ben dites-moi-les parce que des fois, je me cherche des remplaçants. Et puis, si vous avez cet avantage-là d'avoir un contact avec les forces, ben les forces en général vont vous expliquer pourquoi ils vous placent en situation d'inertie. Fait que là, à ce moment-là, vous allez avoir une belle discussion sur l'origine du problème et pourquoi vous êtes retenu temporairement ou dans une situation quelconque pour être capable, non pas de mesurer l'obstacle au niveau de votre ego, mais avoir une mesure de l'événement et de pourquoi vous êtes dans l'événement et à quoi ça sert que vous soyez dans cet événement-là et que vous soyez utilisé, manipulé par les forces pour servir à cette dynamique d'inertie-là. Je pense à des affaires comme la crise du verglas, où il y a beaucoup de gens qui ont été placés dans des espèces de gymnases ou de grandes salles et qui ont vécu, évidemment, une certaine inertie à ne pas pouvoir retrouver leur domicile avant un certain temps. Bien, cette condition-là, qui était un obstacle, qui était au-delà de leur capacité, manquer d'électricité, écoute, à moins d'avoir des génératrices, ce qui était chose rare à ce moment-là, bien, ça les a obligés à regarder la vie d'une autre façon, à avoir une nouvelle lecture de leur destinée ou de qu'est-ce qui pourrait se passer si ça serait plus grave que ça. Parce qu'à l'époque, quand ça s'est produit, on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Si ça se reprenait, qu'est-ce qui se passait? On a été chanceux, on n'a rien eu depuis ce temps-là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas dans le temps ou dans le futur des conditions naturelles, des conditions catastrophiques qui n'affectent pas les gens, dans le sens que vous risquez de vivre une affectation de la nature. Et si vous avez déjà été vacciné par cette situation d'inertie-là, vous avez été les chanceux de la Rive-Sud qui s'était tapé ça, bien, évidemment, vous avez eu une mesure de vous-même dans l'obstacle. Et éventuellement, vous allez avoir besoin d'une mesure de qu'est-ce que les forces veulent vous faire vivre là-dedans. Combien de temps ça va durer? Ils vont pouvoir vous informer d'une situation de même. Mais si l'ego est dans le jeu et puis qui est logique, tout ce qui va y rester, c'est la radio et la télévision. Pas d'électricité, c'est complexe. Puis pas de radio, pas de télévision ou quoi que ce soit pour t'informer. L'intellect ne peut plus travailler. L'apocalypse, c'est quoi? C'est la folie mentale. La folie mentale, c'est le manque de référence à de l'information essentielle, vitale, pour pouvoir te permettre d'être en sécurité. Donc, il peut arriver des événements dans le futur qui peuvent affecter votre équilibre mental parce que vous allez être désinformé ou mal informé. Vous allez être en situation d'inertie. Et la seule zone qui va pouvoir vous sauver à peau, c'est votre contact. Pas de contact, juste l'intellect, juste l'information. Ça va être tough. Il va faire noir. L'autre phénomène qui fait qu'on peut parler d'origine, c'est que dans l'impression que les gens ont, l'inertie, ça leur est imposée par l'extérieur. Donc, pour eux autres, on m'empêche de faire quelque chose. On me limite. Bon, c'est vrai en partie. Vous pouvez avoir beaucoup d'interférences de votre environnement. Votre voisinage, la famille, le couple, les enfants. D'ailleurs, remarquez que ces interférences-là s'attaquent tout le temps à vos systèmes de valeurs. Vous avez un système de valeurs, exemple, vous êtes extrêmement familial, vous êtes extrêmement psychologiquement attaché aux gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez eu des actions ou des projets qui vous ont très, très liés ensemble. Vous êtes solidaire, vous avez en tout cas toutes les qualités qu'on peut imaginer qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller à la confession. Fait que, à un moment donné, il se produit quelque chose dans cet environnement-là, style comme s'il vient de se passer à Dawson. Et puis, là, vous êtes comme sonné. Vous êtes comme ébranlé. Là, il y a quelque chose dans votre être là, qui est comme devenu dysfonctionnel parce que ça dérange un ordre. J'ai déjà dit à une de mes clientes, j'ai dit, toi, t'as un Christi de problème. T'es pas capable de faire face au chaos. Il y a beaucoup de gens qui ont des gros, gros problèmes avec le chaos. Et puis, le chaos, c'est un désordre dans la construction humaine. Et c'est un ordre dans une évolution cosmique. Il va y avoir beaucoup de chaos dans les temps futurs pour refaire un ordre. Parce que les constructions humaines ont fait un ordre qui était partiel, incomplet et déséquilibré. Qui était équilibré pour des régions locales, mais qui n'était pas équilibré pour l'ensemble de la planète. Donc, selon les besoins de l'ego, selon les besoins personnels de certaines régions, de certains pays, de certaines villes, il s'est organisé un ordre. Pensez juste aux religions. Les religions ont toutes installé un ordre dans leur région. Mais là, regardez, on s'internationalise, puis là, on commence à avoir des conflits. Les musulmans avec les chrétiens, puis pop, pop, pop, pop. Ça établit qu'il y a un conflit dans l'ordre mondial pour des idéologies. Un des principes fondamentaux de la conscience supramentale, c'est pas croire. Imaginez que les religions, pas croire, c'est pas trop évident. Donc, c'est facile de vous annoncer que si dans les temps futurs, ce qu'on appelle la conscience va avoir comme base pas croire, c'est la destruction des religions. S'il y a destruction des religions, ça veut dire qu'il y a une nouvelle lecture qui va se faire de ce qui est l'invisible. Parce que la religion, fondamentalement, c'est une façon d'expliquer le « après la mort ». Puis ça donne un certain ordre moral aux gens pour pouvoir s'entretenir entre humains, plutôt que s'entretuer entre humains. Avec la religion, vous pouvez limiter les naissances, vous pouvez limiter toutes sortes de choses pour qu'il y ait un certain ordre social. C'est une des grandes fonctions des religions, d'établir une morale qui permet de garder un équilibre dans les rapports humains. Pas croire, ça va être une façon de rétablir un ordre international, un ordre planétaire, pour permettre à d'autres genres d'échanges de se créer sur la planète. Mais ça suppose une destruction des croyances. Ça suppose une destruction psychique dans l'être de ces fondations intello-spirituelles. Ça va être tough. Mais pensez juste à vos parents quand on les a... pas enlevé la messe, mais on leur a enlevé l'importance qu'il y avait d'aller à la messe ou d'être dans la religion. Moi, je me souviens, mes parents, ça a cogné dur. Puis, nous autres, les jeunes, ben, on commençait notre vie. Je ne parlerai même pas de mon gars, que lui, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est une religion, quasiment. Là, ben, il sait, là, parce qu'il a lu des livres, mais ça a pas de... ça crée pas de... tu sais, il n'a pas peur d'aller en enfer, puis il n'a pas peur de rien, là. Fait que c'est sûr que si vous avez des interférences psychiques dans votre environnement, c'est que vous avez des gens qui vibrent des systèmes de valeurs. J'applique sur le mot vibrer. Pas besoin de se parler, vous savez. On est des voisins des fois, là. Puis moi, il y a des voisins que je sens que je vibre, puis il y en a d'autres, je n'aime autant pas leur parler, je sais que je vais me pogner avec. On les vibre. C'est pas une histoire de discours, puis de conférences, puis d'arguments, là. On les vibre. Il y a du monde dans votre environnement que vous vibrez en dissonance avec vos systèmes de valeurs. Et ça, évidemment, ça peut, dans un sens, tu sais, on est tous un peu interdépendants, on est dans des relations sociales qui s'entrechoquent. Et puis, si vous avez des problèmes avec votre environnement au niveau de ce que vous sentez. On est un peu comme une nature animale qui se pogne aux odeurs, qui se ressent, qui, tu sais, on est tous dans une certaine sensibilité qui fait que on peut dire, ah, lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas, ou, ouais, celle-là, il fit, puis j'aimerais ça aller prendre un café avec, pop, pop, pop. On a des goûts, on a des humeurs, on a des ambiances. Puis ce qui fait qu'on bouge pas vers une personne, tu sais, qu'on dit, ah, j'ai pas le goût de la voir, c'est de l'inertie, ça, là. Mais ça peut être justifié. Ça peut être très, très, très, très, très justifié de pas vouloir vivre un échange avec une personne parce que ça risque de vous choquer. Il y a de l'inertie qui s'installe, là. Il y a des gens qui vont dire, ben écoute, dans la vie, il faut se protéger. Totalement d'accord. Moi, j'aurais pas voulu rencontrer le gars qui a fait la tuerie au Collège Dawson 2 heures avant. Si j'en viens donc prendre un café, mon petit Kevin, là, tu sais. Je sais pas comment il s'appelle, là, mais en tout cas. Fait que c'est sûr qu'il y a des interférences psychiques dans votre environnement par rapport à des choses que vous voulez vivre. Vous allez m'amener à être extrêmement spontané, extrêmement motivé. Vous allez rencontrer quelqu'un puis il va vous mettre la batterie à terre parce qu'il est en dépression. Il n'a même pas besoin de connaître son nom, là. C'est ce qui vibre, ce qui dégage. Il y a des gens qui travaillent dans des hôpitaux. Il faut que tu aies une sérieuse vocation pour travailler dans les hôpitaux. Parce que c'est tout du monde qui sont malades. Tu sais, tu rentres dans un hôpital, puis c'est pas dur de dire maudit malade. Ça a la place. Mais il faut que tu aies, au niveau corps vital, tu aies une sérieuse vitalité pour pouvoir te taper ça. Il faut que tu aies une sorte de protection, un shield, un bouclier mental pour pouvoir te protéger dans un environnement psychique comme ça, là. Puis là, je comprends que c'est pour rendre service, mais tu ne files pas tous les jours à donner de ton sang, là. Tu sais, t'as le goût de passer. C'est sûr que la paye est bonne, là, mais c'est quand même à un certain moment donné, c'est plus une affaire de finance, là. C'est une affaire que ça t'atteint mentalement, là. On a du déséquilibre avec la musique. Tu sais, les jeunes vivent des déséquilibres avec la musique. Fait que vous êtes placé en situation d'inertie. Vous avez des fois absorbé des charges excessivement négatives. Vous autres, vous êtes dynamique, puis là, à un moment donné, votre environnement vous a placé dans un bain, un climat, une atmosphère qui vous a rendu négatif malgré vous. Puis si c'est répétitif, ça devient bien, bien aigu. Vous pouvez être dans un environnement où votre voisinage, les gens que vous côtoyez dans le travail, ces choses-là sont des grosses sources d'interférences. Puis peuvent vous placer en situation d'inertie. Vous pouvez aussi, vous autres, être une source d'inertie. Faut pas l'oublier non plus. Là, c'est sûr que dans la conférence, je fais ça le fun pour que vous reveniez, là. Mais vous pouvez être une source d'interférence psychique pour votre environnement. Fait que si vous rencontrez des personnes, puis que vous êtes négatif, puis vous lui videz vos poubelles, vos vidanges dans leur tête, en vous plaignant, puis en vous plaçant tout le temps dans une atmosphère, genre « remorque-moi, prends-moi en charge », vous êtes lourd pour l'autre. Fait que si lui a pas le moyen de se balancer, lui ou elle n'a pas le moyen de se balancer là-dedans, vous devenez une interférence pour son pour sa dynamique. Donc, c'est violent. L'interférence psychique, vous pouvez pas savoir à quel point ça peut être insidieux, vicieux et sournois. Surtout sournois. C'est psychique, hein? C'est pas logique, c'est pas apparent, c'est pas défini, c'est vicieux, c'est du terrorisme psychique. Il y a du terrorisme là, avec des bombes, papa, papa, papa, il y a du terrorisme psychique. Il y a beaucoup de situations d'inertie que vous vivez dans la vie parce que vous vivez du terrorisme psychique. Puis regardez le terrorisme à travers le monde, c'est basé sur quoi? Des idéologies, des hosties de raisonnement. Puis vous êtes confronté bien souvent à des limitations dans vos vies parce que vous êtes confronté à des raisonnements. Ça peut être votre propre raisonnement qui vous met en échec, mais c'est toujours un raisonnement. C'est toujours quelque chose que l'ego essaye d'avoir raison quelque part. Puis dans sa logique, il est même pas ouvert à ce qui peut se passer ailleurs. Avec une mesure de l'obstacle, c'est aussi la mesure de ce que vous avez comme contenance. Fait que vous avez de la contenance. Regardez les obstacles qu'on vous place dans vos vies. Regardez les raisonnements que vous avez qui vous limitent, puis faites du ménage là-dedans. Vous avez un raisonnement qui est faillant, là, tu sais, qui est faillé, là. Mais faites du ménage là-dedans. Donnez-vous de la mobilité. Un raisonnement, c'est comme des meubles d'une maison. Arrangez ça zen chez vous. Arrangez-vous pour qu'il va être facile à déménager. Arrangez-vous pour ne pas coller comme une tache pendant 45 ans à même place. Parce que vous allez finir par avoir des meubles qui vieillissent, qui pourrissent, puis qui résonnent. Vous allez avoir vos raisonnements, là, ça peut être très, très, très, très difficile à déplacer à un certain moment donné. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez un obstacle dans votre vie, première chose, regardez c'est quoi votre problème. Après ça, regardez le problème que ça crée avec les autres. Après ça, regardez le problème de l'autre. Je l'ai dit souvent, ça, dans mes conférences. Une personne dans votre vie, c'est un événement. Puis le monde, ils sont pas venus au monde pour vous aimer. Ils sont venus au monde pour vous donner la répartie. Il y a personne sur la planète qui est venu au monde pour vous aimer. L'amour, c'est une conséquence. Vous devez venir ici pour vouloir, puis développer votre intelligence, puis contenir l'intelligence qui vous passe dans le cadran. Si ça aime, tant mieux. Si vous êtes mal aimé pendant 2000 ans, c'est toujours pas un problème. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour vous faire aimer. C'est pas le rôle de la planète Terre. La Terre, c'est la guerre. Et la guerre, quand vous avez un petit peu d'amour, ben c'est un test. Parce que même l'amour, c'est une façon de vous faire pogner en quelque part. Fait que les grands concepts d'harmonie et ces choses-là, c'est bon pour les croyants, mais pour les gens qui vivent, qui ont à construire dans une société, l'amour, c'est traité avec beaucoup de parcimonie, là, beaucoup de présence d'esprit sur la conséquence que aimer telle chose, ça fait telle chose. Parlez pas d'amour, parlez d'harmonie, puis parlez d'ordre. L'harmonie ne visant pas à vous spiritualiser ou à vous faire vivre des bains de satisfaction par l'affection. C'est pas ça le point. C'est de l'ordre. De l'ordre, ça engendre des conditions où il y a une probabilité d'aimer. Un gars et une femme qui est ensemble, ils se complètent. C'est flagrant, on est deux physiques différentes, deux mentalités différentes, deux psychologies différentes, puis même les femmes qui ont fait des efforts monumentaux pour être des hommes réussissent pas d'aucune façon, même en s'engageant dans la police, à être des hommes. Fait que la mesure de l'obstacle, vous le faites sur vous-même, vous le faites sur l'événement, puis vous le faites ensuite sur l'environnement des gens là, qui ont été à l'origine de l'obstacle. OK? Partez toujours de vous, l'événement et l'autre. Puis essayez de rendre ça intelligent dans le sens de dire qu'il fallait que ça se passe. Même si ça vous a blessé physiquement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous faites partie d'une pièce de théâtre. La vie, c'est une game. Une crise de game. Une game où est-ce que l'acteur ou les acteurs, en tout cas vous, dans votre lecture, si vous êtes l'acteur principal. Et étant l'acteur principal, le rôle qu'on vous donne, vous devez le jouer à la perfection. Et c'est pour ça que vos pensées vous dirigent vers des types d'événements pour pouvoir vibrer, et non pas comprendre, mais vibrer des événements avec du monde qui sont également associés à vous pour leur propre développement, qui n'est pas nécessairement le même. La mesure de l'obstacle commence par toi, par l'événement. Après ça, l'environnement qui a engendré l'événement. Puis arrangez-vous pour que ça soit intelligent. Ça veut dire, arrangez-vous pour comprendre qu'il faut que ça arrive. Vous n'avez pas de l'inertie par hasard dans votre vie. Vous avez de l'inertie parce que vous devez comprendre quelque chose sur un raisonnement qui n'est pas sociable ou qui ne peut pas s'associer avec votre environnement. Et parce qu'il y a un problème dans l'échange, ben vous pouvez pas avoir de mobilité. C'est l'échange qui engendre la mobilité. C'est sûr que si vous voyez que vous avez une situation dans un raisonnement qui bloque l'échange, vous avez toujours l'avantage à débloquer l'échange. Même s'il faut passer par-dessus votre raisonnement. Moi, je passe par-dessus mon raisonnement, puis je favorise l'échange. Tu sais, la dynamique est que si vous avez un obstacle, il y a une information à votre avantage que vous pouvez lire là-dedans. Dans toutes les formes d'obstacles, il y a une information à votre avantage. L'origine de l'inertie, c'est toujours votre tête de cochon. Toujours vous autres qui avez une tête de cochon, qui les forces vous ont placé pour rencontrer le raisonnement contraire, pour vous placer en situation d'obstacle. Vous êtes bien, bien, bien, bien enthousiaste. Les chances que vous rencontrez un casse-pied sont bien bonnes. Parce que vous êtes polarisé. Vous êtes dans un excès de positivisme. Fait que c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans un excès de négativisme. Le jour où vous allez comprendre la règle de la polarité, là, vous allez vous rendre compte que la seule place où on peut être bien en vie, c'est d'être au neutre. Ouais, vous dites, moi, je vais me faire avoir du fun. Pas de problème. Mais check le marteau comment il va rentrer, vraiment. Parce que c'est ça que ça attire, avoir du fun. Tu sais, il y a une limite à un moment donné à avoir du fun. Tu sais. Fait que les personnes qui ont de la difficulté avec l'obstacle, c'est qu'ils s'acharnent à penser d'une certaine façon. Ils s'acharnent à rester dans un raisonnement et une logique. Puis à un moment donné, ils sont tellement dans leur logique qu'ils sont même plus capables de voir ce qui se passe dans leur environnement avec leur logique. Parce qu'ils sont attachés à leur logique comme si leur vie en dépendait. Là, à ce moment-là, la vie des autres qui pensent différemment, ça ne fonctionne plus. Écoutez, je vous dis pas que je vais être musulman la semaine prochaine, parce que j'ai à comprendre comment les musulmans pensent. Mais si j'en rencontre un, moi, il donnait la chance, en tout cas, pour pas me polariser. Mais il donnait la chance de s'exprimer. Mais si lui est excessif, je vais faire, je me retire de l'échange, j'ai pas le choix. Il y a des situations d'inertie qu'on peut pas échapper. On ne peut pas échapper à ça. C'est des... C'est lié à votre travail. C'est lié à la fonction que vous avez. Vous avez, écoutez, quand on est policier, là, c'est sûr qu'on va rencontrer des bandits. C'est évident, c'est la job. Tu as été chercher un travail pour rencontrer quelqu'un qui risque de te coller un 45 quand toi, tu as du 9 mm. Mais qui travaille bien. Tu sais, fait que... Balle de 45 et une balle de 9 mm, c'est pas le même poireau. Mais c'est sûr que si tu t'engages dans la police, faut que tu travailles avec les armes qu'ils te donnent, puis faut que tu travailles avec un entraînement qui, des fois, est en déséquilibre avec ce que le bandit va se ramasser. Je pense au gars qui était en arrière de la porte puis qui avait tiré avec une carabine 223. C'est sûr qu'un gars qui a un 9 mm, il traverse pas la porte de la même façon. C'est sûr. Mais... t'as voulu être dans une situation qui t'impose d'être obligé de faire face à des malades. T'es médecin, c'est sûr que tu vas voir du monde qui vont pisser le sang. T'es dans la psychiatrie, c'est sûr que tu vas voir des fous. Fait que ce que vous choisissez comme vocation qui rend un service à un environnement social, ça vous impose des situations d'inertie qu'on appelle des obstacles. Et là, à ce moment-là, faut plonger dans votre karma. Puis c'est pour ça que je marque un passé à récupérer ou un non récupéré. C'est qu'il y a un espace dans votre vie où vous avez vécu un choc quelconque, puis ça l'a souvent enclenché toute votre vie dans un processus pour récupérer ce que vous faites. Incroyable, hein? Mais toutes vos vies, c'est comme ça. C'est sûr qu'il faudrait scanner là, votre enfance dans les plus tendres moments, mais vous allez comprendre à un moment donné que... moi, l'inertie que je peux rencontrer dans ma structure de travail, quand je pense, exemple, changer de travail, il arrive un stage, il n'y a plus de logique, là. Essayez plus de raisonner cette dynamique-là, là. Faites juste comprendre pourquoi vous êtes dans une programmation, c'est tout. Point. Puis là, vous allez voir qu'il y a des obstacles dans votre vie que ça fait partie de la game. C'est comme jouer au hockey, tu vas te faire plaquer dans la bande. Si t'es goaler, tu vas recevoir les rondelles. Tout le monde va vouloir t'en slapper une à 140 km/h. Fait que ça, récupérer son passé, c'est plutôt faire un constat parce que vous ne serez jamais vraiment capable de récupérer votre passé à 200%. Jusqu'à 100 ans, tant que vous allez être en vie, vous allez toujours vous battre pour récupérer quelque chose que vous avez perdu dans votre passé. Une joie de vivre, une capacité d'action, un momentum. Il y a une impression qui vous a arrêté, red net. Puis l'impression qui vous a arrêté, c'est un raisonnement, c'est-tu. N'oubliez pas que la loi, c'est l'ultime raisonnement. Quand vous êtes confronté à des problèmes... à caractère légal, vous êtes confronté à un raisonnement social. Fait qu'il y a des raisonnements qui sont des points de vue personnels, mais l'ultime raisonnement, c'est la loi. Là, je vous dis pas de confronter la loi, mais je vous dis de regarder comment vous pouvez être socialement équitable avec votre environnement, puis de pas perdre votre goût de vivre. Essayez de transposer votre goût de vivre dans des secteurs qui sont absorbés légalement ou socialement. Dans ce sens-là. Une autre zone. Une autre zone où est-ce qu'on se fait taper fortement, puis qui nous impose une grande inertie, c'est la santé. C'est sûr que si vous avez mal au foie, vous avez mal au cœur, si vous avez mal à quelque chose, vous avez une jambe boiteuse, vous êtes frappé, vous êtes fait mal, vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, qu'on vous harcèle émotionnellement, puis que ça vous déstabilise dans vos champs d'énergie, c'est sûr que c'est pas trop favorable à développer du mouvement. Mais si vous êtes capable de saisir qu'est-ce qui vous perturbe, je vous dis pas que vous allez revenir en santé, nécessairement dans le sens physique, parce qu'il y a des cas que c'est réellement trop avancé. Mais mettons que c'est des situations qui sont légères, que si vous êtes capable d'identifier la zone de déséquilibre, vous êtes capable d'y remédier assez facilement sur un point de vue psychique, bien souvent, vous allez avoir des occasions de régler votre santé juste par le psychique. Puis quand c'est trop avancé dans le corps, parce que le corps, c'est un terminal qui absorbe toutes les charges négatives puis positives de son environnement, bien, si au niveau santé, vous êtes affecté puis ça vous crée beaucoup d'inertie, à part d'une amputation, évidemment, là, tu sais, il reste qu'il y a des limites quand même, là, mais il faut que vous soyez capable mentalement de retourner à votre condition mentale avant la situation où vous étiez malade. C'est comme, d'un exemple, c'est comme, mettons que une maladie, ça serait comme un chandail. Si vous réussissez à trouver un fil qui dépasse, puis vous tirez sur le fil assez longtemps, le chandail va se défaire. Vous allez défaire tout le chandail en tirant juste sur un fil. Faut être constant, hein, tu sais. Mais la game est que dans la situation de la santé, c'est sûr qu'astrologiquement, il y a des secteurs, comme exemple les poumons, c'est la communication, les pieds, ben, c'est les ambiances, les jambes, c'est les projets, le cœur, c'est le centre décisionnel, les reins, c'est les associations. Fait que c'est dépendant de où est-ce que vous êtes affecté au niveau corporel, ben vous avez la possibilité d'identifier où est-ce qu'il y a un manque, où est-ce qu'il y a un déséquilibre. Puis si une personne est capable d'identifier ce déséquilibre-là, puis qu'elle a les conditions sociales pour pouvoir corriger certains déséquilibres qui se posent dans son environnement, ben là, à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre santé et retrouver du mouvement. N'oubliez jamais que l'inertie, c'est opposé au mouvement. Le mouvement, c'est fondé sur l'échange. L'inertie est conséquemment un manque d'échange, une restriction, que souvent l'inertie tire toute sa problématique à partir d'un comportement. Okay, vous avez un comportement, un raisonnement, une logique de pensée qui entraîne un événement ou une série d'événements qui vous place en situation d'inertie. Un problème de santé, c'est conséquentiel. C'est pas la base d'un problème psychique. C'est la conséquence d'un problème psychique. Moi, si je me sens lourd une journée, c'est parce que j'ai écouté des affaires qui m'ont mis en déséquilibre. Ou c'est quelque chose que je vis qui me place en déséquilibre. Si je réussis à retrouver un filon de mouvement, je vais défaire le déséquilibre. Puis je vais retrouver. Vous avez tout quelque chose qui vous remet en mouvement. Tout ce que vous allez faire qui va favoriser le mouvement, y compris parler puis être écouté. Parce que parler puis pas être écouté, c'est pas du mouvement. C'est écouter parler. Quand vous parlez puis vous voulez avoir du mouvement, il faut que vous ayez un écoute. Puis c'est pas tout le monde qui peut vous écouter. Moi, je peux pas parler à tout le monde. Ici, je suis privilégié. Mais je m'en vais au restaurant, je peux pas parler de même. Donc, pour parler réellement à mon goût, c'est ici. Mais pour parler dans d'autres secteurs, il faut que je parle à des gens qui sont capables d'écouter ce que je parle. Fait que c'est bien important, quand on veut s'assurer un mouvement dans la vie, d'avoir des interlocuteurs qui sont capables de vous parler et auxquels vous pouvez parler, sur lequel il y a un échange réel. C'est bien important, la notion d'échange. Parler à quelqu'un qui est sourd, c'est flagrant, il vous écoute pas, fait que c'est frustrant. Parler à quelqu'un qui pense qu'il vous comprend, c'est encore une forme de frustration si la personne n'est pas capable de passer aux actes. Puis parler à des gens que quand ils vous écoutent parler, ils attendent juste le tour pour parler, parlez pas avec ce monde-là. Parlez de votre temps. Faut que vous ayez de l'écoute, de l'échange. Faut que vous soyez capables, vous autres, même, d'écouter pour favoriser l'échange. Faut qu'il y ait une dynamique. N'oubliez pas, l'inertie, c'est un arrêt du mouvement, donc un arrêt de l'échange. Arrêt d'échange veut dire conflit d'idées, conflit de logique, conflit rationnel. Il faut éliminer ces éléments-là dans notre vie pour être capable d'arriver à vivre du mouvement. L'origine de l'inertie, c'est toujours un raisonnement. Vous parlez avec un raisonnement, vous êtes sujet à rencontrer des gens qui vont entrer en compétition avec vous, qui vont rentrer en confrontation avec vous, qui vont essayer de vous placer dans un dead zone là, pour absolument vous abattre dans votre raisonnement. Faites comme moi. Laissez-vous mourir. Détruisez votre raisonnement. Empêchez l'autre d'avoir raison en n'ayant plus de raison à y donner en opposition. C'est pas ici le fun, c'est ses plans. Quand vous allez être mort, vous allez dire, Christ, pourquoi j'ai été vivre sur la terre? Là, vous pensez que vous devez vous attacher et vous mettre des racines. Il n'y a rien à faire ici. Le tour rencontrer un Christ de Félix qui va vouloir vous tirer au Beretta. De toutes les façons possibles. L'inertie, c'est un raisonnement. Il y aura toujours des lois. Changez de pays, vous allez tremper dans d'autres sortes de lois. Plus les pays vous allez aller sont en désordre, plus les lois vont vous créer du désordre. Ce que vous avez besoin, c'est du mouvement, puis du mouvement, ça se fait que dans l'ordre. C'est l'ordre qui vous donne du mouvement. Plus vous avez les idées claires, plus vous avez de l'ordre, plus c'est facile de vous exprimer. Puis plus vous avez les idées claires, plus c'est facile d'écouter. Je suis capable d'écouter un fou, furieux, si j'ai de l'ordre dans ma tête. Mais je ne suis pas capable d'écouter un fou furieux si je n'ai pas d'ordre, parce qu'il va me rendre fou. Vous me suivez? C'est simple, ça, là, hein? Dernier facteur, c'est pas nous autres qui pensent. Bon, ça, c'est pas évident pour vous autres. Il y en a peut-être que dans toute votre vie, ça n'arrivera jamais à tomber le 25 cents dedans. Fait que je vais parler comme si on parlait de Dieu. Tout ce que vous vivez, c'est voulu. Donc, c'est voulu, ça vous demande juste à être compris. Vous allez me dire, ouais, mais on peut pas vouloir être malade, ils peuvent pas vouloir. Écoutez, ça dépend, c'est pas tellement la maladie ou l'obstacle que vous vivez, mais la prise de conscience que vous faites qui est importante. Si pour vous, dans toute une vie, vous avez deux choses à comprendre sur 85 ans de vie, bien, c'est ces deux affaires-là à comprendre qui vont être le focus des forces sur votre cas pendant 85 ans. Fait que pensez pas que c'est compliqué, la vie. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver pourquoi les choses se font quand ça a l'air totalement irrationnel. J'ai vécu beaucoup de choses irrationnelles. Exemple. J'ai aidé je ne sais pas combien de couples à rester ensemble. J'ai aidé je ne sais pas combien de divorces à bien se faire. Puis j'ai perdu mes couples. Pourtant, si le gars il comprend comment ça marche, il ne devrait pas perdre ça. Oui, mais c'est parce qu'un couple, c'était deux consentements. Moi, j'ai le consentement, la compréhension, puis l'autre qui va avec moi, lui, il ne veut rien comprendre. Il n'y a pas de couple. Ce n'est pas une affaire de « t'as le talent, donc tu vas garder l'autre », ça ne marche pas de même. C'est voulu par les plans. Les plans te placent 23 ans de vie de couple, puis probablement qu'ils vont me mettre 23 ans de vie célibataire. Si j'essaie pas de vouloir quelque chose, mais je fais juste composer avec ma programmation, la vie est belle. Mais si je veux quelque chose, puis ça fait pas partie du plan des plans, du plan des forces, alors j'ai des problèmes. Parce que si je veux quelque chose qui interfère avec ce que les autres veulent de ma vie, ils vont m'empêcher de le faire. Fait qu'il y a des affaires que vous pouvez vouloir toute votre vie. Comme exemple, j'ai toujours voulu jouer de la guitare, puis ça être bon là-dessus. Ça veut pas. Mais c'est pas que j'ai pas fait d'efforts. J'ai 5000 piastres de guitare chez nous, puis d'instruments, puis de ça. Mais je suis obligé d'y regarder ces murs. J'ai pas le destin. J'ai pas le temps. J'ai pas. Tu sais, il faut que tu sois dans un état mental particulier pour te mettre sa guitare, puis commencer à vivre ton état gazeux, puis partir sans jam, là, ces choses-là. J'ai pas le temps. Je suis toujours dans des affaires, genre l'urgence, c'est électrique, c'est ça. C'est pas dans ma programmation. Fait que si vous autres, vous avez une programmation, essayez de savoir qu'est-ce qu'elle vous permet de faire. Qu'est-ce qu'elle vous laisse faire? Parce que ça, c'est ce que les plans veulent que vous fassiez. Ils veulent vous faire marcher sur le plateau, Ils vous ont trouvé une petite maison pas chère, à tel endroit, allez rester là. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont tous vous favoriser. Les tomates vont pousser tout seuls. Tu vas échapper une tomate à terre, l'année prochaine, il va y avoir deux plants qui vont venir pousser dans la cuisine chez vous, esti. Un autre, là, qui veut, qui est pas dans sa programmation, il essaye de faire pousser ça, il met des engrais. Tu sais, il va chez Charbonneau ou chez W.H. Perron, il achète tout ce qu'il faut, puis Christ, il n'y a rien qui pousse. Tandis que l'autre, s'il échappe une tomate à terre, ça pousse dans sa cuisine, c'est un prélat. La volonté des plans. Ce qu'ils veulent, c'est ce que vous êtes fait pour. Puis tout ce qu'ils veulent, vous allez bien le faire pour un certain temps, parce qu'il y a toujours une échéance à la canne. Tu sais, nous autres, on a une date d'expiration, on va mourir un jour. Bien, votre expérience de vie, il y a aussi une date d'expiration. Vous allez vivre quelque chose à un moment donné qui va être restreint, qui va être limité, puis qui va dire, bon, la volonté des plans dit que c'est ça. Fait que la volonté des plans, ça peut vous placer en situation d'inertie. L'inertie, des fois, ça peut être imposé et c'est irréversible. Il y a des choses qui vont vous empêcher de faire dans la vie. Au même titre que vous allez avoir des défauts qui servent. Mais vous pouvez avoir des défauts qui servent aux autres. Fait que des fois, vous voulez changer, tu vas dire, ah, là, je voudrais que je perde du poids, je voudrais ci, je voudrais ça. Faites attention, là, on ne peut pas être, tout être sur la planète du beau monde. Là. Il faut qu'il y en ait des beaux et des laids. Là. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je suis gros, Bernard était petit, à Botte et Castello. Fait que là, qui est-ce qui mangeait les tapes à la gueule? C'était le gros. Le petit, là, je ne me souviens plus lequel, les Stooges, là, les Three Stooges, c'est la même chose. T'sais, fait que vous avez toujours des programmations qui servent à quelque chose. Puis ça, si vous voulez changer des choses qui sont dans une programmation qui ne veut pas changer, obstinez-vous pas, acceptez-les, ça fait partie de la game. Il y a quelque, ça sert à quelque chose. Moi, j'ai remarqué que les gens qui flyent bien gros, ils aiment bien ça être à côté de moi. Mais hey, quand tu es gros, en général, tu es un gros... T'es une espèce de stabilisateur dans la vie des gens. Fait que les gens qui sont gros, ils sont toujours entourés de flyers. Tout le temps. Fait que t'as un pogneur, là, tu sais, qui est gros, là, comme elle, un gros, je suis sûr qu'il y a plein de monde là, qui raconte ses problèmes. Puis elle la pompe ça comme une grosse cape qui mange son affaire. Moi, j'ai fait de la consultation, j'ai pris du poids avec ça. Les petits maigres, oui, les petits paquets de nerfs, ça parle aussi, ça parle la chaîne ça le matin, puis ça lâche pas jusqu'au soir. C'est assez impressionnant.